flèpe la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce que t'as photo, de boule en boule tu t'accroches. Quand je mets deux boules TDM, je suis dans un autre monde. Je préfère au type particule BM quand je passe la seconde. Dans son dos tu faisais le mac, devant lui tu fais le mec. A la gratte ça vole une voiture, ça change la plate, ça passe à l'acte. Arrête tes rumeurs, je bouffe pas de salade. 23-5 quand y'a pas de salope. Un Y on passe au catalogue. Et c'est commère, il nous catalogue. Trois charbons, pas de trois soldats. Brom brom brom, pas ton judoka. La police il m'appelle la mort. Je suis rappeur, pas patron de réseau juste au cas où. Je l'avais dit, je vais tout niquer. Nique sa mère celui qui a pas cru. Et je médite, je suis cheaté. J'en fume et j'ai duré, je vois plus. C'est chaud, ça va te refroidir. Ça va te bouffer tout cru. Ça fait que m'imiter sur grand-père et pendant la bulle. On me dit d'où ça tue. Pas le vaillant là, t'as vu. Tu vois pas, c'est ridicule. Tu me casses les couilles là, j'suis dans ma bulle. Elle fait la fumée, c'est le crapote. Tu vas bourrer sur le capot. Elle veut pas t'essayer avec sa pote. Et sa pote te mène en bateau. Prends pas en faux son mal pas con. En fait, t'as des pétros. Peuple d'infériorité, depuis tu prends la tête, la testo. Ça fait 5 ans que tu es dans le game, depuis 2000 je fais tout. J'peux me croiser en Ferrari, en scène ou même en Facebook. J'ai de la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'un poteau, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui, j'ai de la moto. Oui, oui, j'ai de la moto. Oui. Oui, je lève la moto. Oui, je lève la moto. Quater, quater, prater, quater, charbon en gérance. Moulin demi, je fais un demi, je viens civil dans les ronces. Honda ATV, je suis un chèque, je passe pas à la TV. Je fais ça poser des CV, mais malade, y'a toujours pas d'air TV. Je suis une escrapuleuse, sous voluptueuse. Story fabuleuse, y'a des tueurs, des tueuses. Wesh, mon poteau, lève pas les mains, on se connaît pas. Quand on fait pas, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Je dors pas, je suis ambitieux. Je sais qu'ils m'aiment pas que c'est des vicieux. La confiance, ça c'est précieux. Alors faut faire gaffe à ces messieurs. Et quoi qu'on dise, quand je style traumatise. Disque d'or de platine, un diamant, je sais que la haine jadise. Je parle pas de canalise, je m'énerve pas la canalise. La peine paralyse, je suis deux dans le même paralyse. Faut que j'investisse en parallèle, ça gratte, ça y va en bref parallèle. J'ai changé tous les paramètres, je suis dans mon 4 albums par année. J'ai de la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a photo, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui, je lève la moto. Oui, oui, je lève la moto. Oui, oui, je lève la moto. Oui, oui, je lève la moto. Et c'est que les jaloux, ils poussent leur tête comme des coques. Ça veut charcler les francs pour courir, elle vient en coque. Trop de drogue dans le corps, tu peux même plus la mettre en coque. Le témoin témoigne, tu peux plus nier de balles poques. Je suis parti comme buté, y'avait pas un, il a tout mis dans le foc. Pas win dans la poche, faut faire gaffe, le petit escroque. C'est la crise de Jack, ça me connaît pas comme Jack. Obligé de faire les mecs, je m'embrouille avec les decks. Moi ça va impète, je pose avec mon bête. Civil à l'étage, sur le béton en tête. Un peu d'épaugeage, ça taille sur la quête. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui, j'lève la moto. Oui, oui, j'lève la moto. Oui, oui, j'lève la moto. Oui, oui, j'lève la moto. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. J'ai de la moto, j'ai de mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a photo, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui, je lève la moto. Oui, oui, je lève la moto. Oui, oui, je lève la moto. Oui, oui, je lève la moto. J'ai de mon 10 dans ma poche.